saluant chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Parce que aujourd'hui nous sommes comptés parmi les vivants. Et sa grâce a conduit nos pensées, Dieu, pour écouter encore sa parole. Pendant ce temps, il y a des frères et des sœurs qui sont en difficulté, qui passent des moments très compliqués. Les autres fuient devant les bombes. Ils n'ont pas un cœur en repos. Ils ne sont pas en paix. Mais Dieu nous a donné un temps pour nous approcher de lui. Tout c'est pour un but. Tout ce que Dieu fait pour nous a un but. Si vous ratez l'enlèvement, kama unakosa kunyanyuliwa, Dieu va vous montrer ses frères et ses sœurs. Mungu atakonesha kahaba nduku na badada, les frères de l'Est, banduku ba kwasubui, ya les Kongo, frères du Pakistan, banduku ba Pakistan, les frères qui sont en Inde, banduku ba kupatikana kule ku Inde, des hommes et des femmes qui sont persécutés, banaume na ba, banamuke, beko ne bateswa pour sana, le nom du Seigneur, juu ya jina la Bwana. Et toi tu seras condamné, na uta hukumiwa, parce que Dieu t'a donné tout le temps, juu Mungu alikupatia wakati yote, pour te préparer. Mais tu l'as pas voulu. C'est pourquoi craignons le Seigneur. Frère Bertin, l'homme de Dieu, avait un témoignage à faire. Mais il va le faire à la fin du culte. Donc, après la prédication, on va donner du temps à l'homme de Dieu. Tout en partie, wakati mtumishi wa Mungu, de donner le témoignage. Apate kuleta ushuhuda, et de remercier l'Église. Na kupiga asante kanisa. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Prenons 1 Thessaloniciens au chapitre 1. Bébé wa Thessalonika wa kwanza, sura ya kwanza, verset 1 à 4. Mustari ya kwanza, tafika mustari ya ine. Pour achever la pensée d'hier. Njuu ya kumaliza wazo ya jana. Afin d'avancer dans notre enseignement. Na tupate kusonga sasa na mafundisho yetu. Merci au Père. Aksante e Baba. Ton amour est infini. Upendo yako iko bila mwisho. À notre égard. Kwa upande wetu. Tes bienfaits et tes hauts faits. Matendo yako mema na matendo yako makubwa. Sont d'une manière qu'on ne peut pas compter. Inafanika munamna ile atuweze hata kuhesabia. Quand nous voyons ton amour. Wakati tunaona upendo yako, ta miséricorde, rehema yako, ta grâce, neema yako, ta bonté, wema wako, nous disons merci Seigneur. Tunasema tu asante Bwana. Toi l'auteur de la parole, we mwenye neno, et toi qui as créé nos âmes, na mwenye uliumba manafsi zetu, toi qui nous as donné le souffle de vie, wewe ulitupatia pumzi ya uzima, descend encore ce soir. Shuka tena mangaribi ya leo. Parle à nos cœurs infirmes. Useme na mioyo yetu ya bulemevu. Montre-nous la voie de la vérité. Utuoneshe njia ya ukweli. La voie du salut. Njia ya wokovu. Pour que nous puissions bien aimer demeurer fermes. Ili mupendo wetu tupate kudumu imara. Jusqu'à ton retour. Hata kufika kurudi kwako. Bénis chaque frère. Ubariki kila nduku. Bénis chaque sœur. Ubariki kila dada. Bénis les frères et les sœurs qui sont en ligne. Souviens-toi de notre pasteur. Et tous les frères et les sœurs qui sont en Lubumbashi. Pour raison de deuil. Assistez-les, Seigneur. Et console la famille de notre sœur Fatou. Merci, Père. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons. Ainsi. Amen. Amen. Paul, Paulo, Sylvain, na Sylvain et Timothée, na Timoteo, à l'église de Thessaloniciens, ukanisa ya wa Thessalonica, qui est en Dieu le Père, ndani ya Mungu Baba, et en Jésus Christ le Seigneur, na ndani ya Yesu Kristo Bwana. Que la grâce et la paix Nema na amani vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisant mention de vous dans vos prières. Dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Tendo ya imani yenu. Le travail de votre amour Gazi ya upendo wenu et la fermeté de l'espérance na en notre Seigneur Jésus-Christ na tumaini yenu ya imara ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo devant Dieu notre Père. Mbele ya Mungu Baba yetu. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, tunajua wanduku wapendo wa Mungu, que vous avez été élus, ya kwamba mweye mulichaguliwa. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana apate kuongeza baraka kusomea neno lake. Nous savons, frères bien-aimés, tunajua wanduku wapendwa, bien-aimés du Seigneur, wanduku wapendwa wa Bwana, que vous avez été élus. Ya kwamba mweye mulichaguliwa. Nous ne sommes pas élus par un groupe de prédicateurs. Shia tunabatu mwenye kuchaguliwa na nkunji ya baubiri fulani. Ce n'est pas l'église qui nous a élus. Aina kanisa tuchagua. Ce ne sont pas les politiciens qui sont allés dans une assemblée. Aina wafanya siasa wale walienda mkusanyiko fulani. Pour faire de nous des élus de Dieu. Jua kutufanya shie kuya bateule ba Mungu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mungu alituchagua mbele ya misingi ya dunia ipate kuwekwa. Et Dieu nous a prédestinés à être ses élus. Na Mungu akatangulia kututayarisha ili tupate kuwa wateule wake. Des gens qui révèlent sa volonté parfaite. Bantu bale bona funua mapenzi yake kamilifu dans leur vie. Katika maisha yabo. Dans leur comportement, katika mwenendo yabo, dans leur manière de faire les choses, namna yabo kutenda, ils manifestent la nature de Christ. Bekono nikanisha asili ya Kristo. Comme nous venons de vous le dire tous ces jours qui sont derrière nous, savile tulatoka kumionyesha masiku yote chapita. Pour atteindre la perfection. Pour atteindre le but. Et recevoir une pleine récompense. Nous devons tous garder la pureté de la parole. Nous devons marcher dans la pureté de la parole. Nous devons respecter les principes de la parole. C'est de cette manière que nous donnons l'occasion à notre Dieu de s'occuper de nous en toutes choses. Comme le Saint-Esprit l'a dit hier, pour aboutir à une récompense véritable, nous devons marcher dans la foi. Tunapasha kutembea katika imani. Et nous vous avons montré que la foi a une œuvre, a un travail. Na tulimuonesha kwamba imani iko na kazi. La foi dans la parole de Dieu. Imani ndani ya neno la Mungu. La parole de vérité. Neno la ukweli. Nous donne une décision ferme. Iko na tupatia mpango ya imara. Qui nous amène à abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il est le tupele que tu pate kuacha byote binyekwa kinyume na neno la Mungu. Qui nous amène à nous convertir à Dieu. Na tupele que tu pate kubadilika na kugeukia kwa Mungu. Tout en abandonnant toutes les idoles. Mukuacha masanamu yote. Des faux dieux. Nyungu ya Bungu. De faux enseignements. Kwa mafundisho ya Bungu. De fausses traditions humaines, de fausses croyances, de faux comportements, de fausses pensées qui s'élèvent en nous. Tout ce que nous avons apprécié dans l'ignorance avant la foi, lorsque nous nous convertissons au Seigneur, toutes ces choses doivent disparaître. C'est vrai, frère. Si dans votre marche chrétienne, vous continuez à croire, à défendre des choses contraires à la Bible, à la parole de Dieu, aux enseignements que nous avons reçus, c'est un signe que tu n'as pas encore la foi. Et ta foi, elle est morte, elle est sans œuvre. Elle ne travaille pas. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Si vous supportez encore de fausses choses, ta foi est fausse. Si vous marchez dans les calculs humains, tu es hybride. Tu as une fausse foi. Nous avons montré hier que la foi marche avec l'amour ensemble. Ce n'est pas par peur aina kwa boka, que nous avons cru. Ce n'est pas la peur de l'enfer. Aina boka angeena, jo tuliamini. Non, bien-aimé frère. Apana ntuku mpendwa. Ce n'est pas par peur de la souffrance atukuamini juu ya boka mateso, que nous avons cru au Seigneur. Tuliamini Bwana, apana. Nous n'avons pas cru avec d'autres intérêts charnels. Atukuamini na masababu ingine ya kimwili. Notre objectif, fukuzio kietu, le salut de notre âme. Yokovu ya manafsi zetu. Recevoir cette récompense éternelle. Kupokea ile malipo ya milele. De la vie éternelle. Ya uzima ya milele. Qui nous permettra, ile de turusu, de bénéficier toutes les bénédictions yote, que Christ nous a acquises au bord du calvaire. Nous devons servir Dieu par amour. Mungu kwa mapendo, librement, kwa uru, volontairement, kwa kipendaro, sans contrainte, bila mukazo, d'un cœur pur. Moyo safi. C'est là où beaucoup de frères et de sœurs ne comprennent pas. Beaucoup de frères et de sœurs n'avancent pas dans la foi abendele katika imani, parce que pour eux, la parole de Dieu neno la Mungu est une corvée. Inakuwa ni kazi tu yangu mukazo. Non, frère. Apana nduku. Non, ma sœur. Apana ntuku yangu. Nous devons être libres. Tunapasha kwa uru. Christo est venu mourir. Alikuwa kufa. Pour nous sauver. Jua kutuokoa. Afin que nous soyons libres en toutes choses. Ili tupate kwa uru katika maneno yote. servir Dieu, kumutumikia Mungu, dans la liberté, katika uhuru, sans contrainte, bila mukazo, volontairement, kwa kipindaro, avec joie, na fura, plein d'affection pour Dieu, kujana mapendo tele njuu ya Mungu, dans notre cœur, katika moyo wetu. Parce que après la foi, jukisha imani, nous comprenons que notre or, tunaelewa kwamba zahabu yetu, notre protection, ukingo yetu, notre bénédiction, baraka yetu, c'est Dieu, ni Mungu. Ce que Dieu fait, ile Mungu anafanya, dure à toujours, inaendelea na kudumu. C'est vrai, frère. Ni kweli ndugu. Tu peux avoir l'argent, unaweza kuwa na fedha. L'argent peut terminer. Feza, inawezi kumalizika. Tu peux avoir des maisons. Unawezi kuwa na manyumba. Les maisons peuvent se crouler. Manyumba, inawezi kubomoka. Tu peux avoir les enfants. Unawezi kuwa na batoto. Les enfants peuvent mourir. Batoto, banawezi kufa. Comme les enfants de Job. Sabili batoto wa Yobu. Tu peux avoir 5 valises, 10 valises de vêtements. Unaweza kuwa na mavalizi 5, 10 ya mavazi. Mais ça peut brûler. Lakini si unaweza kulungula. Tout ce que l'homme a, bila yote mtu yuko nabyo, est incertain. Abina bya uhakika. Voyez frère. Naona nduku. Le mariage, doa, peut finir. Inaweza kumalizika. Même par la mort. Hata kwa njia ya kifo. Il n'y a rien de vrai sur la terre. Paduni, hakuna kitu cha kweli. L'église est avec moi. Je parle de du travail de l'amour. Frère, regarde tous ces païens qui ont beaucoup d'argent. La plupart finissent dans la pauvreté. Wengi, wako nenda kuishia mumaskini. Ce sont des méchants. Ni watu waovu. Et la Bible dit, la Biblia inasema, tout ce qui est méchant, ile yote mtu muovu, ramasse, lokota, c'est pour ninju, des hommes justes. Ya batu, benye haki. Quand vous allez dans en ville, Lubumbashi, Kolwezi, partout, minene, Lubumbashi, ici Kolwezi, à Kambov, ne pensez pas que les commerçants que tu vois dans un bâtiment là, c'est le même qui était en 1960. En 1960, tu ne seras pas le dernier. Si comme moi Maria qui t'a couché, ton argent va se dissiper comme une sucette dans la bouche. On va dire et tu vas rester sur le goût, mais tu n'auras plus la sucette dans la bouche. Mais celui qui a Dieu, il a une richesse éternelle. Na utajiri ya milele. C'est pourquoi quand vous voulez servir Dieu, le Dieu vivant, servez-le sans intérêt. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Ne le servez pas par peur. Non, bien aimé, frère. Comme chez dans les dénominations, les gens sont dans les églises parce qu'ils craignent la mort, ils craignent les sorciers, ils craignent la malédiction. C'est pourquoi vous voyez, ils ont fondé tout un évangile sur les sorciers, sur la malédiction, et ils retiennent tous ces païens sous l'influence démoniaque, dans les filets du diable, dans la peur de la mort. Mais notre foi, dans la parole de Dieu, nous enlève la peur. Nous marchons avec fermeté. nous nous sommes convertis à Dieu. Nous nous sommes convertis à Dieu. Tunamgeukia Mungu. Vous voyez? Nous avons tourné le dos au diable. Pour ne plus entendre les enseignements du diable. Notre vie est dirigée par les enseignements divins. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. L'amour travaille. Venez à l'église. Non pas par peur, non pas parce que vous avez un profit charnel, matériel auprès de Dieu. Non. Servons le Seigneur d'une manière désintéressée. Prions le Seigneur par amour. C'est vrai, frère. Servons-nous les uns les autres par amour. C'est vrai, frère. Et nous recevrons une récompense qui vient du Seigneur lui-même. Et sa récompense dure à toujours. C'est pourquoi vous voyez dans Jean chapitre 14, dans son verset 21, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. » Vous voyez bien, mes frères, quand la parole et le Saint-Esprit demeurent dans votre âme, vous êtes la femme la plus heureuse. Vous êtes l'homme le plus heureux. L'homme, la femme la plus sécurisée. L'homme le plus sécurisé. Vous n'avez pas de crainte. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Gardons la parole de Dieu par amour. Vivons la parole de Dieu par amour. Servons Dieu par amour. D'une manière désintéressée. Que Dieu vous bénisse. Dans l'écriture que nous avons lu, Paul dit, il a donné un bon témoignage à nos frères de Thessalonique. Retournons à cette écriture. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Un croyant, suivez-moi bien. Un croyant, il est ferme. Eko wa kusimama imara. Il est ferme. Eko wa imara. Dans la foi. Katika imani. Il est ferme. Eko wa imara. Dans son amour. Katika upendo yake. Il est ferme. Eko imara. Dans son espérance. Katika tumaini yake. La fermeté, il est quoi, Waimara? C'est notre constance. Ni ile msimamo yetu ashokutenga-tenga. Dans notre foi. Katika imani yetu. C'est notre constance. Ni kukosa kutenga-tenga kwetu. Dans la foi que nous avons dans la parole de Dieu. Katika imani yetu ile tukunayo ndani ya neno la Mungu. En attendant. Mkongojea. La promesse Malako du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Hata kufika wakati ile malako itimilike. Bien-aimés frères et sœurs, il est Uriaminia. La raison pour laquelle nous avons cru Kifukujio qu'il est Uriaminio. Le but pour lequel nous avons cru Nikokolewa, c'est d'être sauvé, Upataro mtakatifu, recevoir le Saint-Esprit, na kumuchunga Yesu Kristo, et attendre Jésus-Christ apate kumaliza mangaiko yetu yote, pour qu'il vienne mettre fin à tous nos tourments. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la consolation de tout véritable croyant. Nous sommes là déjà sauvés. Nous avons le Saint-Esprit. Mais nous souffrons. Nous sommes dans le tourment. Pour l'expliquer aux Romains. Paulo a li facile à toi pour Romains. Mutu andani ye. L'homme intérieur est déjà sauvé. Mais nos corps ne sont pas encore délivrés. Oula atakuwa kumaliza mwili, mambo ya mwili yetu. Mettra fin au tourment de nos corps. Ni Yesu ye mwenyewe. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est pour avoir une rédemption totale. Ukombozi ya utele. Une rédemption. Ukombozi de l'âme. Ya nafsi. De l'esprit. Ya roho. Du corps. Na ya mwili. Aujourd'hui, toi et moi, nous souffrons comme tous les restes de païens. Physiquement, nous mourons comme tout le monde. De la même façon que les devins meurent physiquement, c'est comme ça que nous aussi nous mourons. De la même façon que les corps des devins pourrissent, c'est la même façon que le corps pourrisse aussi. Vous voyez bien, mes frères. Nous faisons le même travail avec les païens. Nous mangeons la même nourriture avec les païens. Il n'y a pas un marché magasin ou un magasin pour les chrétiens. Si la rougeole venait, nos enfants, des croyants, vont mourir, des païens aussi meurent. Une épidémie arrive. Nous tous sommes exposés. Et pourtant nous avons le Saint-Esprit. Il y a encore quelque chose qu'on doit ajouter au salut de notre âme. Et cette chose-là s'ajoute au retour du Seigneur Jésus. Maintenant écoutez. Ça me scilise. C'est lui qui a véritablement cru. Ule aliamini kweli kweli. Dont sa foi mwenye imani yake est entièrement ancrée dans la parole de vérité, dans les saintes écritures, ndani ya maandiko takatifu. Celui qui dans son cœur ule ndani ya moyo wake a l'affection de Dieu. Iko na mapendo ya Mungu. Il travaille anatumika par affection, mapendo, librement, volontairement, sans contrainte, mukazo, d'une manière désintéressée. Faïda, il sait le Dieu vivant de tout son cœur. C'est vrai. Ce dernier uyu, attend le retour du Seigneur. Kwa Bwana, qui viendra yeye ula takuja, quoi faire notre foi. Njua kuweka mwishu kuimani yetu. Oui, bien aimé frère. Ndio nduku mpendwa. En attendant le retour du Seigneur, kwa Bwana, comme des élus, sawa wateule, notre foi imani yetu doit rester constante. Ina pasha kubakia bila kutenka tenka. Nous devons avoir une foi constante na imani ya imara en attendant kukungojea le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Un élu, uteule, c'est ce qu'il a cru. Anajua ile anaamini. Il sait en quoi il a cru. Il sait où il se tient. Un élu n'a pas une foi aveugle. Non, bien-aimé frère. Nous devons demeurer ferme dans notre espérance avec une foi constante en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Un chrétien, une chrétienne, n'est pas une personne qui balote à tout vent de doctrine. L'Église est avec moi. Qui tremble à chaque apparition d'une nouvelle doctrine. Qui tremble devant une nouvelle déclaration. Non, frère. Non, ma sœur. La foi elle-même est une révélation qui vient de Dieu. La foi ne peut pas être ébranlée. Non, bien-aimé frère. En attendant Jésus, nous devons demeurer constant dans ce que nous avons reconnu comme étant la vérité biblique, dans ce que nous croyons comme étant la vérité biblique, parce que c'est sur ça que notre foi est fondée. L'Église est avec moi. C'est vrai. Un élu ne change pas de foi, ne change pas d'enseignement. Non, il est constant. On voit souvent des frères, dans Satan, suscite une fausse doctrine. Ou un prédicateur fait de poids une déclaration sentimentale, des fois qui n'est même pas biblique. On voit des frères et des sœurs s'agiter. Non, frère. Un enfant de Dieu ou le anesha kujua. C'est lui qui connaît ce qu'il a cru. Il n'est pas agité. Comme je sais que je suis un élu, dis-moi très bien. Dans ma foi, il n'y a pas de crainte de se perdre un jour. L'Église est avec moi. Étant donné que je sais que Dieu m'avait connu d'avance avant que le ciel et la terre n'existent, dans sa pensée quand il était Elohim, Dieu m'avait connu d'avance. Lorsque nous sommes arrivés à notre temps, étant donné qu'il m'avait connu d'avance, le Dieu qui m'avait connu il s'est révélé à moi. Il m'a ouvert les oreilles. J'ai vu la vérité. Et après avoir vu la vérité, et il m'a donné son salut. Il est au le salut qu'il m'a donné. J'ai la foi que il ne pourra jamais me l'arracher. Je ne peux pas me perdre. Parce que cela n'est pas en lui. Il a une andani moi. C'est vrai, frère. Dans la foi. D'un élu, il n'y a pas la crainte de se perdre. frère, même si Satan suscitait 10 000 fausses doctrines, il m'a 10 000 fausses doctrines, aïta n'y emportait, je ne le croirai pas. Pourquoi? La manière dont Dieu m'a vu depuis l'éternité, imani yangu, ma foi, na envie yangu, na mapendo yangu, e amour, ni ya kupenda paka bintu vya kweli, d'aimer seulement la vérité. Amuna masekeli ya bintu vya bongo. Il n'y a rien de faux à moi. Non frère. Apana nduku. Non ma sœur. Apana dada yangu. Si je marche dans l'ignorance pendant un temps, fulani, Dieu qui m'a connu viendra m'éclairer. Et quand il m'éclaire, je reconnaîtrai la vérité de Dieu. Parce que je suis une partie de la divinité. Je ne peux pas me perdre. Et je ne peux pas me perdre. C'est vrai, frère. Je reste ferme. Nabaki imara. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Je crois que la promesse du retour du Seigneur est pour moi. Ni yangu. Siwezi kumupokea Yesu Christ. Je ne peux pas recevoir Jésus. Siwezi kumuona Yesu Christ. Je ne peux pas voir Jésus Christ. Tout en étant dans des fausses doctrines. Bakilia mafundisho ya bongo. Apana. Non. Bantu bote yuko na mini. Tous ceux-là qui croient. Mafundisho ya bongo. La fausse doctrine. Abata nyanyuliwaka. Ils ne seront pas enlevés. Abata onaka Yesu Christ. Ils ne verront pas Jésus Christ. Abana muimani ya kweli. Ils ne sont pas dans la véritable foi. Moi, je garde la foi. Imani yangu, la véritable foi. Imani ya kweli, je garde la parole pure. Neno safi, je reste ferme. Nabaki imara, et j'espère. Na mina tumainia, et je crois. Na mina amini, que Christ, ya kwamba Christo, vient pour moi. Eko nakuya njuu yangu, c'est pour moi. Njuu yangu, qu'il vient. Je eko nakuya, pas pour les autres. Apana njuu ya bengine. Parce que tu n'as pas cru. Njuu ya ukwamini, pour les autres. Njuu ya bengine. Tu n'as pas crié pour l'église. Tu as kanisa. Tu as crié pour le salut de ton âme. Tu as ukovu ya nafsi yako. Ton âme sera récompensée. Nafsi yako itapata malipo. D'une manière personnelle. Namna ya upeke. Oui bien aimé frère. Ndio nduku mpendwa. Oui bien aimé sœur. Ndio dada mpendwa. En attendant. Mkongojea. Le retour. Urudi. De notre Seigneur Jésus-Christ. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Demeure ferme. Kudumu imara. Avec espérance. Na tumaini. Que peu importe. Les difficultés de cette vie, néanmoins Dieu vous accordera toujours la victoire. Aussi longtemps que vous gardez la pureté de la parole, vous marchez dans la foi. Vous voyez bien mes frères, vous gardez la doctrine, les enseignements, les commandements de Dieu par amour. Frère, ne vous découragez pas. Apana kurekea. Jésus-Christ vient pour toi. Jésus-Christ na kwa njuu yako. C'est pour toi qu'il vient. Njuu yako ndio na kuya. Il ne vient pas pour le pasteur. Il vient pour toi. Eko na kwa njuu yako. Il ne vient pas pour un diacre. Il vient pour toi. Eko na kwa njuu yako. Aussi longtemps yote, que tu demeures ferme. Utaendelea kudumu imara. C'est pourquoi vous voyez ici. Tukona munaona hapa. Dans là où nous étions. Pale tulikuwa. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Commençons, c'est le, j'ai besoin du verset 10. Regardez le verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Que Dieu vous bénisse. Frère, Duku, ma sœur, dada yangu, quand vous êtes convaincu, wakati unahakikishwa, que ta conversion ya kwamba kugeuka kwako est réelle, ni kwa kweli, Tu ne fais pas semblant dans la foi. Aulande, katika imani. Tu ne fais pas de théâtre dans la foi. Aufanye michezo, masketch, mteatre, mwani. Tu as pris la décision Ulibeba mpango d'abandonner Satan. Ya kumwacha shitani. Et tu as déjà embrassé Dieu, Christ, Mungu, la vérité. Ukweli, ndio la kumbatia. Marche maintenant sans crainte. Tembea sasa bila oga. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Unaisha kuzalikwa mara ya pili. Tu es déjà né de nouveau. Tu marches dans l'enseignement pur. Toute ta vie est pure. Tu mènes une vie sanctifiée. Unaishi maisha utakaso. Tu cèdes le Seigneur par amour. Quand vous branchez, unakuana, vous réparez votre vie. Maisha yako, vous voyez, unaona, vous allez vous baigner kunama, dans le sang de Christ. Damu ya Yesu Christo. Frère, Duku, vous vous purifiez par la voie de la repentance. Frère, Duku, ce que Dieu vous recommande, vous le faites. Maintenant, peur de voir Jésus-Christ? Si ton cœur ne te condamne pas, tu n'as pas de reproche. Tu peux-tu refuser de venir te prendre? Quoi bien aimé frère? Mais la chose importante, après Imani yako, après ta foi, dans ta safari ya Imani yako, dans ta marche de la foi, bakia, reste mwaminifu, croyant. Voyez, naona, bakia, reste bila kutenga tenga, sans être ballotant. Apana une fausse doctrine na kuya, une fausse doctrine vient, tu es dedans. Apana. Non. Reste ferme. Baki imara. Dans ce que tu crois être la vérité biblique, et tu as cru, na manjiko inekwatikishia kusema ni bia kweli sont vrais, bakia reste bila kutenka ferme, Yesu Kristo eko na kuya juu kukubeba pour te prendre. Vous n'avez pas de crainte? Hauna na cha kugopa? C'est vrai frère, bia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Dans 1 Timothée, Timothée wa kwanja, au chapitre 6, 1 Timothée, chapitre 6, Timothée wa kwanja, sura sita, dans son verset 11, je commence par là. Écoutez, nous pouvons aller jusqu'au verset 15. Pour toi, homme de Dieu, suivez très bien. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est avec moi. Où vous dormez? Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder la parole de Dieu dans toute sa pureté, sans l'hybrider, et vivre sans tâche, qu'il n'y ait rien dans votre vie que Dieu, que les hommes peuvent te reprocher. Ne te souillez pas. Tu as la parole. Tu as le Saint-Esprit qui te sanctifie. Vivez sans tâche. C'est vrai, frère. Vivez sans reproche. Pas dans un mois. Mumwezi moja. Pas Apana. Dans une année. Mwaka moja. Dans 5 ans. Mwaka tano. Dans 10 ans. Mwaka kumi. Ou dans 20 ans. Wana mwaka makumi mbili. Apana. Vivez. Uishi. Sans tâche. Bila taka. Et sans reproche. Jusqu'à l'apparition. Jusqu'à ce que Jésus viendra. Apate kuja. C'est pourquoi j'en disais. Ceux qui ont de telles promesses. Se purifient. Comme lui-même. Et puis. Il vient chercher un peuple saint. Frère. Ma soeur. Si tu es un croyant, la foi Imani est ton amour, de, ton amour na upendo wako pur envers Dieu, ya Mungu te rend pur. Inakufanya uwe safi. Voyez bien mes frères. Unaona wantu kwa pendo. Kaji ya imani, le travail de la na foi, kaji ya mapendo ya Mungu ndani yako, en toi, ni kwenda ukusafisha kila siku. Tous les jours. Voyez, iko na kutakasa kila siku. Ça te sanctifie tous les jours. Pour que tu ailles voir Jésus. C'est même la raison fondamentale. Il est nous venons à l'église. Nous venons à l'église pourquoi? C'est pour que nous sommes exposés à la parole de Dieu. Qu'elle puisse nous éclairer et nous montrer toutes les lumières qui se trouvent dans notre vie, dans notre âme, dans notre esprit. Voyez-vous, si nous trouvons que là, je ne marchais pas correctement, là, ça c'est un péché, ça, Dieu rejette ça. Voyez, je me débarrasse de ça. Voyez bien mes frères, nous venons tous les jours à l'église, c'est pour nous rendre meilleur. Non pas par nous-mêmes, c'est à travers le sang et la parole de Jésus-Christ. C'est vrai, frère. C'est pourquoi on ne fait pas un culte traditionnel. Il y a des stories. Ah non. Apana. Il a chic tout qu'on a quoi organisé. Nous venons à l'église. Ah, il a déjà occupé bon. Ce n'est pas pour occuper une chaise. Ce n'est pas pour écouter la bonne musique de la chorale. Ah, il a déjà foutu sa panne. Danser non. Tout qu'on a couille. Ni jour, ni non la mungu. La parole de Dieu. Éclaire notre vie. Na tu yo enam la kania kuti tengeneza. Pour nous préparer. Tu ne peux pas te marcher. Bila kukuala na la mungu. Sans choper à Dieu. Bila kuvunja ma mungu. Transgresser l'esprit de Dieu. Tu kuya na que nous soyons des croyants. Ba kukankamana umambo la mungu. Dans les choses de Dieu. Agréable à Dieu. Sans pour autant qu'on puisse avoir quelque chose de réprimandable. Sans avoir de la souillure. Et nous évoluons dans cette façon-là jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. Nous venons. C'est pour que nous puissions affermir notre véritable foi dans la parole de Dieu, qu'elle soit ancrée davantage. Voyez que nous soyons encore enracinés davantage. Pour que rien ne nous ébranle notre foi. Pour qu'on ne perde pas la récompense que nous attendons du Seigneur. Voilà pourquoi nous venons. On vient à l'église. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a dit non, pas les mystères. Non, là, donc je ne marche pas correctement. Non, non, les choses que j'ai toujours faites, ce n'est pas la parole de Dieu. Non, non, non, non. La manière dont j'ai toujours rétorqué aux gens, voyez-vous, la parole de Dieu est purifiée. Que tu puisses être préparé. C'est pour que. Que tu arrives au point de voir Jésus lorsqu'il viendra et que ta foi et c'est alors que ta foi aura un sens. Il ne viendra pas aller chercher les gens souillés. La colère bestiale, l'animosité que tu as toujours manifestée, si tu viens à la parole de Dieu, alors je t'aide à ôter en toi cette animosité. Tu as la vie de la duté bestiale. Quand tu viens devant la parole, c'est pour que ces choses-là vous soient ôtées. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. En attendant le retour, demeurez ferme dans la pureté. Indéléa. Continue. Indéléa. Continue. Dans les profondeurs de la pureté, de la sainteté. Il y a Utakatifu. Continue. continuer à rechercher la sainteté. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. Nous attendons. Tu lui as mis, Dieu a commandé. Nous avons cru, c'est pour voir Jésus-Christ. A tout quoi mis, nous n'avons pas cru en Dieu Jésus a quoi qui a pour rester à Papa Duni, à Pana. Non. C'est pour aller avec lui. Voyez bien de mes frères. Non, on a tout compendre. Voyez bien de mes sœurs. Non, on a dedans compendre. Nous recherchons la paix avec Dieu. Nous recherchons la paix avec tout le monde. Nous recherchons la sanctification. Vous voyez, parce que nous voulons voir le Seigneur. Mutoto wa Mungu mwanaume mwanamke. Fils ou fille de Dieu dans son cœur. Eko na tamani kumuona Yesu. Voir Jésus. Autamona Yesu. Mwene kuvala mangua ya buchafu. Non bien mes frères. Nous continuons à nous sanctifier davantage. Nous restons constants. C'est vrai, frère. Comme Paul enseigne aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et sans la sanctification, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Frère, la véritable grâce que nous avons reçue, c'est de se retrouver parfois en lieu où la parole de Dieu est prêchée et facilité de marcher dans la foi de sorte que nous puissions voir Dieu. C'est ça l'objectif de notre foi. Depuis l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament espère le retour du Seigneur qui viendra clôturer, mettre fin la souffrance de l'homme. Et nous voulons que ces choses, nous voulons qu'ils viennent. Mais nous restons fermes dans les choses que nous avons cru et reconnues vraies. Notre foi est constante. Vous voyez, notre amour est constant. Notre fermeté. Nous espérons. Paul dit aux Romains, l'espérance ne trompe pas. Parce que notre espérance est basée sur Dieu et en Dieu. Notre espérance est fondée sur la vérité. Nous n'avons pas une fausse espérance. Comme nous servons le Dieu vivant, nous attendons aussi un Dieu vivant qui viendra nous donner une récompense vivante. Même notre espérance, elle est vivante. Elle est vivifiée par la parole vivante que nous recevons tous les jours. Quand tu viens à l'église, quand ta foi a été affaiblie un peu, quand vous écoutez que Dieu t'a élu, c'est pour que ou pas te couiche, tu puisses vivre éternellement. Na kuchakura, il t'a choisi, il t'a élu, il t'a sauvé. Tu n'iras jamais dans la perdition. Tu imagines que tu es sauvé. Quand tu es réellement sauvé, tu n'as plus de crainte. Tu avances dans une bonne direction. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et vous avez comme travail, purifiez-vous. Ne te lassez pas de faire le bien. Ne te lassez pas de te repentir si tu fais une mauvaise chose. Ne te lassez pas de te repentir si tu bronches. C'est vrai, frère. Restez dans ce que tu as cru comme étant la vérité. Ne changez pas de doctrine. Restez constant. Même si la doctrine venait, laisse ça de côté. Polygamie. Arrête un peu avec cette histoire de la polygamie. Non, le sang séché. Arrête avec ça. Toutes les doctrines là qui sortent. Ce n'est pas ton affaire. Parce que tu le connais. La vérité que tu as cru. La vérité qui t'a sauvé. La vérité qui a fait de vous un fils ou une fille de Dieu. Tu n'es pas devenu un chrétien par un mensonge, par une parole mensongère. Qui est devenu chrétien par la vérité. Restez constant et ferme dans l'espérance. Et il y a la conviction que Jésus vient, c'est pour moi qu'il vient. Il n'est pas pour quelqu'un d'autre. Il vient pour moi. Il vient pour me prendre. Et moi je le verrai. Parce que j'ai fait sa volonté. Je demeure dans sa volonté. Je fais ce qui lui est agréable. Je n'ai aucune crainte en moi. L'enfer n'a pas été créé pour moi. L'enfer a été créé pour les démons. Mais moi, je suis un fils de Dieu. S'il ne vient pas me prendre, Dieu sera infirme. Parce que je suis une partie de son corps. Restez dans l'espérance. Restez dans la foi. Restez dans l'amour. Attendez. Jésus vient pour toi. Travaillez. Restez constant. Réjouissez-vous. Marchez dans la pureté. Que rien ne te trouble. Même si les doctrines apparaissent, les doctrines viennent, c'est pour séduire ceux qui n'étaient pas prédestinés. Les hommes et les femmes que Dieu n'a jamais connus avant la fondation du monde. C'est vrai, frère. Et pour savoir que tu es un élu, qui attend le retour du Seigneur, et que Jésus vient pour toi, observe ta vie. Tu vas de progrès, de progrès, de perfection, parce que notre perfection sera totale au retour du Seigneur. Observe seulement ta vie. Ce n'est pas que non, tu vas changer, que tu deviendras brun. Observe seulement ta vie. Il y a un changement chaque jour. Ce que tu as été hier, ce n'est plus ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu seras demain, ce ne sera pas ce que tu es aujourd'hui. Dans ta vie, il y a un changement. Il y a une croissance. Et là, vous êtes ferme dans votre espérance. C'est vrai. Restez ferme. C'est pour toi que Jésus vient. Ne soyez pas agités. Ne ballottez pas à tout vent de doctrine. Même dans ta propre vie. Aujourd'hui tu es saint, demain tu es souillé. Aujourd'hui tu es sauvé, demain tu es perdu. Aujourd'hui tu es saint, demain tu es souillé. Non, bien-aimé frère. Garde la pureté. Tunga usafi. Avance dans la pureté. Songambele katika usafi. Dans la fermeté. Katika imara. Parce que l'Esprit de Dieu continuera à témoigner que tu es un fils de Dieu. L'Esprit de Dieu en vous continuera à témoigner que dans ton cœur que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Reste ferme. Baki imara. Et espère la tumainia, la récompense, malipo, la grande récompense malipo mkubwa, de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Qui a compris? Nana nasiki. Levons-nous pour la prière. Kusimame. C'est vrai, frère. Nibia kweli nduku. En attendant. Mkongojea. Jésus-Christ. Yesu Christo. Qui vient des cieux. Unashu era kuya toka mbinguni. la constance dans la foi musimamo ya imara katika imani est obligatoire ni mapashwa. Ne soyez pas un roseau agité. Usikweli tete ya kutenka tenka. Si ton cœur te témoigne, kama moyo wako unakushuhudia, que tu as cru la vérité, uliamini ukweli, marche dans cette vérité. Tembelea mkatika ile ukweli. Reste ferme. Bakia imara. Tu verras Jésus. Utamuona Yesu. Prions. Tuombe. Père céleste. Nous te disons merci. Véritable enseignant.